On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, que je vous fais chier, mais c'est vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Que de péripéties, mes amis. Durant cette année, On the Rocks était parti au premier confinement, était allé faire les émissions à la maison, et puis était reparti et revenu. Après quelques émissions donc confinées, voici donc à nouveau On the Rocks en direct des studios de Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM. Une émission, je suis ravi de vous retrouver en direct ce soir. Une émission un peu écourtée pour cause de couvre-feu, parce qu'il faut que je rentre chez moi. Je suis pas d'ici, hein, un peu de route. Donc voilà, ça sera ce soir 19h. 20h30 et ce pendant un petit moment encore, donc une demi-heure d'émission en moins. Une petite pensée à Rémi, l'arrêt d'Arc du Sport, pour qui lui c'est carrément compromis, parce que lui ça voilà, à 21h le couvre-feu c'est pas possible, à moins de dormir au studio. Donc moi j'ai cette chance là, donc que Rémi, une petite pensée pour toi ce soir. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont écouté l'émission sur le site ontherocks.net, l'émission confinée qui n'était disponible que sur le site. Eh bien ça y est, on reprend les bonnes habitudes. Audible cette fois sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en direct, et à nouveau sur ontherocks.net. Dans quelques jours, allez, l'émission sera en ligne probablement mercredi. Dans les émissions précédentes d'ontherocks, j'avais commencé pied au plancher avec plein de nouveautés. Il y aura encore pas mal de nouveautés ce soir, mais je vais commencer dans une atmosphère un peu plus délicate, enveloppante et tranquille pour démarrer. On va démarrer avec un extrait du dernier album de Nick Cave. Pas avec ses Bad Seeds, Nick Cave tout seul. Alors voilà, premier confinement, les groupes avaient tous joué un peu dans leur cuisine avec en maillot de bain ou en peignoir. Deuxième confinement, c'est un petit peu plus organisé. La musique à distance est mise à disposition des gens. Et Nick Cave, lui, a joué vraiment le grand jeu, puisqu'il s'est placé devant un piano à queue avec sa classe habituelle. Ça a été enregistré à l'Alexandra Palace, seul, piano, voix. Et il revisite tout son répertoire de son dernier album en date, où il racontait le deuil de son fils, à les albums les plus anciens de Nick Cave. On a The Mercy Seat, enfin on a plein de morceaux sur cet album. Album Chair de Poule, album vraiment magnifique, donc qui vient de sortir en CD, puisqu'il avait été diffusé d'abord sur Internet. Et bien voici un extrait donc de cet album de Nick Cave qui nous revient. Confiné, oui, mais avec beaucoup de classe. Le morceau c'est Sad Waters. Juste après, il y aura une petite sucrerie de Noël encore au piano. Et puis quelqu'un qui nous revient un peu par surprise également. Enfin voilà, ça commence plutôt tranquille ce soir dans On the Rocks. Je vous enveloppe pour le début de l'émission, et puis après, rassurez-vous, ça va être un peu plus pied au plancher. Pour rouler la nuit, ça, c'est l'idéal, l'abeille. And there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. We go down to the river where the willows weep, taking naked root for a lover's seat. That rose grows out of the bitten soil. Bound to the ground by creeping ivy coils. Oh, Mary, you have seduced my soul. Forever a hostage of your child's woe. Then I ran my tin cup hard along the prison of her ribs. With a toss of her curls, that little girl goes wading in, rolling her dress up past her knee, turning these waters into wine. She pled it all the way low by. Mary in the shallows laughing over where the car darted, spooked by the new shadows that she's cast across these sad waters and across my. Thank you. sun in our eyes. Good to break from the dark. Still times when nothing's alright as we bandage up all our parts. Well, I'm a builder of bridges and I could fly us up to the moon. When your time is limited, well, nothing happens too soon. Navigate, come find a way. Our differences be damned. So much space between us and the distance of our hands. Stakes are raised to elevate. Just a second to understand what you give this will to live. You got the cure. D'émission très Ebony and Ivory ce soir dans The Rocks. D'abord, nous avons une Nick Cave tirée de son album solo piano voix. C'était Sad Waters. Il y a plein de merveilles sur cet album de Nick Cave. Ensuite, c'était Chili Gonzalez. Je vais le refaire. Chili Gonzalez, le pianiste virtuose, ancien complice de Feist et toujours complice puisqu'elle est sur son album qui vient de sortir, peut-être l'album de Noël le plus réjouissant de ces dernières années, où il revisite à sa façon des morceaux traditionnels de Noël et puis d'autres petites sucreries à la cannelle de sa part. Eh bien, je vous conseille vraiment cet album pour mettre au pied du sapin. Ça s'appelle God Rest Ye Merry Gentlemen. C'était le nom du morceau de Chili Gonzalez. Et à l'instant, bien sûr, vous avez reconnu sa voix enchanteresse entre mille. C'était Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam. Pearl Jam qui ont sorti un album Gigaton il y a 8 mois à peine. Eh bien, Eddie Vedder revient avec 2 morceaux en solo, piano, voix, guitare, acoustique, tranquille. C'était un de ces 2 morceaux, Matter of Time, morceau qu'il a d'abord sorti Sur internet, et puis là aussi on peut les trouver un peu partout maintenant, ces deux morceaux d'Eddie Vedder. Allez, on retrouve encore quelqu'un, un piano, une voix, et quelqu'un qui m'a accompagné pendant toute mon adolescence et qui m'accompagne depuis. Et bien voilà, il décide de mettre fin à sa carrière, après des pépins de santé, après quelques deuils, après quelques fatigues passagères. Et bien il revient avec un dernier album, c'est Fish. Fish, le chanteur, ex-chanteur de Marillion, première formule, groupe progressif qui a été un peu souvent cantonné à une pâle copie des premiers albums progressifs de Genesis. Marillion, époque Fish, c'était vraiment magnifique pour ceux qui ont connu cette époque-là. Alors, depuis bien longtemps maintenant, c'est Steve Hogarth qui est le chanteur de Marillion qui continue sa route. Et Fish a sorti quelques albums solo. Et bien, voici son dernier album. Voilà, c'est le dernier. Il le dit, il ne remontera plus sur scène, il ne fera plus de musique. C'est son adieu à la musique. Donc, ça fait un petit pincement quand on a été fan à l'époque. Dire que c'est un album monumental, le dernier album de Fish, ce serait un peu exagéré. Mais on retrouve quand même cette voix et cette sensibilité avec un morceau dédié à son père. Ça s'appelle Garden of Remembrance. C'est pas le morceau le plus sautillant de la soirée, je vous rassure, après ça va sauter, ça va danser partout. Mais voici donc la voix de Fish pour une dernière fois sur un dernier album, et c'est dans The Rocks. A voice. He tries to recognize the source and place the name. A face so familiar, the smile soft and warm. The memory evades him, his mind wanders on. now forever apart, with a love so embracing, held in their hearts, but nothing between them, no memory shared, no recognition in a soft pale green eyes. He's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, the love that goes in memory. She'll wait for an eternity. He's still here. He's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, the love that goes in memory. She'll wait for an eternity. He's still here. And they're still here. que des voix amies dans The Rocks ce soir. À l'instant, c'était Hills, tiré de son dernier album, très bel album d'Hills, avec, enfin leur, mais en fin de compte, c'est un chanteur, hein, avec Baby, Let's Make It Real. À l'instant, juste avant, il y avait Fish avec Garden of Remembrance, et oui, Duduche qui m'accompagne toujours, fidèle, malgré les confinements, les émissions confinées, tout ça. Heureusement qu'elle est là pour écouter On The Rocks dans les moments les plus critiques. Et puis, entre les deux, il y avait Sofiane Pamar, avec un talent au piano à peu près aussi surdimensionné que son ego et que son melon, hein. Le monsieur veut être le meilleur du monde. Alors c'est vrai que c'est très très beau, son dernier album est très beau. Le morceau qu'on s'est passé, morceau instrumental, hein, il fait aussi du rap, mais il est pianiste virtuose. C'était London, donc avec un petit emprunt quand même à Wojciech Kilar, qui avait signé la bande originale du merveilleux film d'animation Le Roi et l'Oiseau de Prévert il y a quelques lunes de cela. Bah, ça ressemble vraiment pas mal quand même, le morceau. Je sais pas si c'est un hasard. En tout cas, on va changer maintenant d'ambiance dans The Rocks. On va faire remonter un petit peu les potards avec des nouveautés en veux-tu, en voilà. On va commencer quand même tranquille, mais ça va s'accélérer. Ça s'appelle Cardioid. C'est une nouveauté. Et le morceau s'intitule, vous allez pouvoir groover tranquillement avant de bouger un peu plus, ça s'appelle Party Time. C'est donc écrit dessus. Cardioid, donc c'est dans The Rocks et c'est tout nouveau, tout chaud. Ça s'appelle de la basse, ça, messieurs, dames. Et pour danser, il y a pire. hope for the best. Cause you feel like this precious gift. Chauffer un petit peu dans The Rocks ce soir avec cette petite nouveauté, petite sucrerie vraiment sympathique. C'était Partner à l'instant avec le morceau Here I Am World, et puis juste avant c'était Cardioid avec Party Time. Ah, vous aviez envie de danser, mais je veux dire de vraiment danser comme on dansait en 1980 par exemple. Eh bien c'est possible avec une nouveauté, oui oui, c'est de 2020, mais ça pourrait sonner 1979-1981 on va dire. C'est donc un morceau de The Lounge Society, groupe qui fait un peu sensation en ce moment et qui vient juste de sortir son dernier single. Ça s'appelle Burn the Heather, et oui, c'est fait pour danser. ça, mes amis, auditeurs et auditrices fidèles d'On The Rock, c'est à surveiller de très très près. On s'est déjà passé la semaine précédente un extrait de ce EP de ce groupe qui s'appelle Gold Connections, qui ont partagé d'ailleurs sur leur page Facebook l'émission On The Rock. Merci à eux. Et bien voici un dernier extrait, un autre extrait de ce EP. Ça s'appelle Fortune, à l'instant vraiment très très bien. On s'était passé le morceau Bleed. Courez écouter ça, je pense que c'est à surveiller de près. Pour l'instant, pas d'album, mais voilà, vous pourriez dire, ah oui, je l'avais entendu, ça c'était sur une radio du côté d'Orléans, On The Rock. Et oui, c'était ici, Gold Connections, donc, et juste avant, c'était The Lounge Society. Allez, voilà peut-être le tube du moment, le tube de l'été du moment, c'est bête, on est en novembre. Un morceau qui s'appelle Gotta Get Out This Place, et le groupe c'est Dead Rabbit, Dead, D-E-D, non pas D-E-A-D, D-E-Dead, Dead Rabbit, Gotta Get Out This Place, pardon. C'est vraiment, vraiment le morceau qui tourne cette semaine dans ma petite voiture pour me réchauffer. retour qu'on attendait plus. Ça fait plaisir de les retrouver. C'était Less Than Jack, groupe américain qui avait sorti des albums, au début des années 2000, exactement dans le jus que vous venez d'entendre, c'est-à-dire un peu punk, un peu ska, un peu festif et avec des cuivres dans tous les sens, eh bien ils reviennent avec un dernier morceau qui s'appelle Anytime and Anywhere. Eh bien voilà, ils n'ont pas pris une ride et ils le font encore toujours très très bien. Et puis juste avant, c'était les Dead Rabbit avec Gotta Get Out of This Place. On continue dans The Rocks avec c'est ce genre d'ambiance un peu sautillante, un peu punkisante et un peu réjouissante, avec encore une nouveauté. Ça s'appelle Molly and the Krells, très bon morceau qui s'appelle Expectations et qui résume assez bien l'ambiance, l'humeur et les envies du moment. Notre mission, vous réchauffer en ce début d'hiver glacial ou de fin d'automne glacial. Je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas vous êtes dans On The Rocks. Il est 19h53, c'est du direct et oui, je suis dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mais émission un peu écourtée ce soir, 1h30 à la place de 2h parce qu'il faut respecter le couvre-feu. Et oui, ma bonne dame, à l'instant c'était encore une nouveauté avec Sprungled. Pas facile à dire ça, Sprungled, avec Nosedive, et puis juste avant c'était Molly and the Krells avec Expectations, deux morceaux qui étaient plutôt du rock réjouissant, un peu adolescent, avec des t-shirts rigolos. Eh bien nous allons revenir à des choses un peu plus sombres, des Bermudas découpées à la main et des chemises de bûcheron, puisque à l'écoute du morceau qu'on va écouter maintenant, et qui pourtant est une nouveauté, un morceau d'un groupe qui s'appelle Elephant Gun, eh bien on se croirait revenu il y a 25 ans au début d'On The Rocks, enfin c'était il y a 28 ans les débuts d'On The Rocks, à l'époque où je recevais dans ma boîte aux lettres moult et moult CD de groupes grunge, tous un peu plus dépressifs et dépressifs, les uns que les autres, à façon I Am Other Earth, Alice in Chains, enfin toutes ces choses-là, eh bien voilà, ça sent un peu ça, ça sent le grunge, mais ils le font très bien. Elephant Gun, donc, avec Now to Survive. We'll be right back. Nouveauté encore ce soir dans The Rocks avec These Days, c'était le nom du groupe à l'instant, Days comme les jours, mais qui s'écrit D-A-Z-E, les coquins avec Lace About You, et juste avant c'était Elephant Gun avec Now To Survive. Alors voilà quelqu'un qui, face à ses blancs becs, fait figure d'ancien. Une retrouvaille dans The Rocks. Matthew Sweet, qu'on s'était déjà diffusé moult et moult fois en 28 ans d'émission. Ça s'appelle Give a Little. C'est tiré de son dernier album. Je me dépêche. C'est maintenant, car il n'y a plus qu'une demi-heure. crazy about weakness. Bien étrange morceau que celui-là, nouveauté dans The Rocks à nouveau, c'était The Blackwater Fever, morceau qui hésite entre la chèvre et le chou pendant toute la durée du morceau. Est-ce qu'ils sont Metallica, est-ce qu'ils sont les Doors, est-ce qu'ils sont un peu, ils se prennent un peu pour les deux. En tout cas, voilà, morceau intéressant, on va dire The Blackwater Fever avec My Weakness, et juste avant c'était Matthew Sweet avec Give a Little. Allez, on revient à des choses un peu plus consensuelles, car malgré le fait qu'ils veuillent se donner des allures de mauvais garçon, Liam Gallagher, ex-chanteur d'Oasis, fait des chansons, eh bien voilà, un petit peu accessible à tout le monde. Eh bien, c'est le cas de son dernier morceau qui vient juste de sortir, il est tout chaud. C'est, on peut dire que c'est une balade un peu à la Noël, à la Liam Gallagher, là-dessus intéressant. All You're Dreaming Of, c'est dans The Rocks et c'est maintenant. un peu de flutio et psychédélique, ça fait du bien dans... Ah, si je me coupe le micro, c'est beaucoup moins. C'était, ça fait du bien pour presque terminer On The Rocks, puisque l'émission ce soir se termine à 20h30. Couvre-feu oblige la semaine prochaine dans On The Rocks. Il y aura Sylvain des Sequoia Fever et co-animateur tous les souvent, qui viendra donc animer une petite spéciale. Et ça, ça fait du bien, à moins qu'il y ait une catastrophe pandémique d'ici là. Mais enfin, maintenant, on s'attend à tout. C'était donc à l'instant Mandrake Uncheck. Vraiment super morceau avec un super son. Gonculator, que je ne durerait pas, ne vaut mieux pas. Et puis Liam Gallagher juste avant dans un morceau sympatoche, mais voilà, hein, avec All You're Dreaming Of. Allez, on revient à des choses un petit peu plus tranquilles avec un morceau qui nous dit qu'il n'y a rien qui fait plus mal que lorsqu'on est amoureux la première fois. Nothing hurts like love for the first time. C'est This Wild Life qui nous dit ça. Eh bien, c'est pas tout à fait exact, puisque quand on se cogne le petit doigt de pied dans une table basse, c'est aussi pas mal dans le genre. Voici donc ce morceau tranquillou pour vous faire glisser jusqu'à la nuit qui va suivre On The Rocks. No one gets it right on the first try. Nothing feels like love for the first time. I never saw it coming, I was too blind. But nothing hurts like love for the first time. We're better together, I was better off never. Expert optimistic pretender. We'll make it through if we keep writing letters. Your heart moved on, now the return to sender. Thought I'd let you know. It happened just the other day. heart. I'm telling you, baby, increase my paranoia. It's like looking in the mirror. Dans The Rocks, nous avons d'abord eu The Wildlife avec Nothing Hurts Like Love for the First Time. Et puis à l'instant, c'était The Wild Feathers qu'on s'est déjà diffusé dans les émissions précédentes avec cette reprise de Almost Cut My Hair, belle reprise de Crosby, Stills, Nash & Young. Eh bien, l'émission va bientôt se terminer ce soir. Oui, ça se termine aux alentours de 20h30. Je vous retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, en direct dans les studios. 19h-20h30, ce sont les nouveaux horaires spéciaux couvre-feu. Il y aura Sylvain avec moi la semaine prochaine. Et voilà, voici deux morceaux plutôt tranquilles pour terminer cette émission. D'abord, Emel, qu'on s'est passé déjà avec cette reprise de David Bowie, The Man Who Sold the World, la semaine dernière. Bah, voici une autre reprise de cette égérie de la musique tunisienne, qui est une sorte de symbole du printemps arabe. Magnifique voix tunisienne. On se passera des morceaux probablement en arabe une autre fois, mais là, ce sont ces morceaux rock'n'roll revisités par Emel. C'est Something in the Way, morceau de Nirvana, revisité par Emel, et puis juste après, on terminera avec Laetitia Sheriff et Ashamed, tiré de son très beau dernier album. Je vous dis bonne nuit, je vous dis bonsoir à tous et toutes qui écoutaient On The Rock ce soir, et voici donc Emel pour clôturer, et juste après, Laetitia Sheriff. Bonne nuit. Have all become my pet. Don't make waves.